Madame Bovary, deuxième série d'extraits pour la deuxième et troisième partie de ce roman. Enregistré par Jean-Paul Alexis, février 2018.